Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit témoignage, le premier témoignage que je suis en mesure de vous partager. C'est le témoignage de Jonathan, donc un entrepreneur. Je vais vous laisser la surprise de découvrir un peu ce qu'il fait et il va vous raconter sa vision de l'entrepreneuriat. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Je te laisse un petit peu te présenter, parler de ce que tu fais. Ce que tu fais tous les jours, voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est Jonathan. J'ai 26 ans et je suis entrepreneur, mais je ne fais pas juste de la motivation sur Instagram. Je suis vraiment entrepreneur. Je dirige une agence web. D'ailleurs, là, c'est le bureau. Vous voulez voir. Et c'est une agence web qui fait vraiment beaucoup de choses. C'est plutôt une agence digitale. Donc, c'est-à-dire que je fais de la création de sites internet, de la gestion de contenu, de la création de stratégies sur Instagram, sur les réseaux sociaux, digital de manière générale. Mmh. Et voilà, donc je suis très, très axé entrepreneuriat. Ça fait 5 ans que je suis dans l'univers entrepreneurial. Je suis diplômé en gestion de projet informatique et je donne des conseils sur Instagram du coup. Au départ, c'était de la citation et maintenant, je me dirige plus vers mon corps de métier, les choses qui m'intéressent vraiment. Donc, c'est vers le marketing digital maintenant. D'accord, ouais, c'est assez chargé du coup. Et ouais. Ça t'est venu comment? T'as eu quel parcours avant de te lancer? Est-ce que t'as fait des études liées à ce que tu fais ou ça t'est venu comme ça et... Ben, en fait, l'entrepreneuriat, je suis tombé dessus il y a 6 ans maintenant, quand j'avais 20 ans. On m'a proposé de lancer une marque de vêtements. Mmh. J'ai accepté en même temps que j'étais à l'université. Et du coup, première aventure entrepreneuriale qui allait beaucoup plus loin que je le pensais. C'est-à-dire que on a fait pas mal d'événements. On a été pris par des incubateurs. On a été suivi par pas mal de structures. Et du coup, c'était ma première aventure. Et puis ensuite, j'ai repris des études en gestion de projet informatique. D'accord. Donc là, j'ai un bac plus 4 en gestion de projet informatique parce qu'il faut quand même un minimum de connaissances quand on gère une agence web. Et du coup, j'ai fait ces études-là et ça fait maintenant un an et demi, plus ou moins 2 ans que j'ai l'agence. D'accord, c'est pas mal du coup. Et du coup, ça se passe comment pour toi au niveau de tous les jours? Les difficultés que tu peux rencontrer ou que tu as déjà rencontrées Si tu as déjà eu des soucis, baisse de motivation, ou alors si c'est vraiment quelque chose qui est en toi, qui tu as vraiment envie de faire ça, et que du coup, tu es prêt à te battre, il n'y a jamais eu de moment où tu as voulu baisser les bras, ou c'est jamais arrivé? On va pas se mentir, il y a beaucoup de moments où on veut baisser les bras. Alors, c'est sûr et certain. Même si on a une grosse motivation, même si on sait ce qu'on veut faire, il y a des moments où on a envie de baisser les bras parce que c'est dur, simplement. Ouais. Et ça se passe très rarement comme prévu, pour pas dire jamais. Mmh. Donc, qu'on ait une personne qui n'est pas flexible ou bien qui est trop stressée par le fait que les événements ne se passent pas comme prévu, c'est difficile. Mais en même temps, c'est là la beauté du truc. C'est que quand on arrive à quelque chose, à atteindre un objectif, ça vaut les échecs, ça vaut tout le stress mmh. qu'il y a eu avant. Donc, ouais, j'ai eu plein de moments où je voulais pas abandonner, mais où je voulais rien faire, simplement. Ouais. Mais après, ça m'arrive tout le temps. Ce qui a l'air d'être bien dans ton cas, c'est que, comme tu le dis, ça s'est passé vite, il y a tout qui s'est enchaîné. C'est pas une décision que tu as prise toi-même dès le départ de te lancer là-dedans. Enfin, tu t'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi gros. Et, ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on en voit beaucoup qui veulent se lancer, qui voient beaucoup trop grand dès le début. Et ça, c'est quelque chose que je reproche un peu à tout ce qui est... Tu vois, les chambres de commerce qui font souvent des réunions pour parler un peu d'entrepreneuriat, tout ça. T'as fait ce genre de trucs ou pas, toi? Ouais, j'ai fait ça. Ça t'a servi à quelque chose? Au début. Au début? Quand on s'y connaît vraiment pas en entrepreneuriat et que c'est les premiers pas qu'on fait, ben, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, ça nous semble trop grand. Donc, ça nous semble inatteignable parce que... toutes les choses qu'il y a à faire, tous les trucs qu'il y a à mettre en place, toutes les choses qu'il y a à comprendre, etc. Ça nous semble vraiment énorme. Mais après, on se rend compte que c'est très répétitif. Donc, voilà quoi. Et ça, tu vois, c'est après, moi aussi, j'ai vu trop grand quand j'ai commencé, vraiment. Mmh. Ouais, j'ai voulu aller vite, hein. J'ai voulu aller très vite, que ça explose très vite, etc. Mais voilà, Après, on comprend qu'il y a un rythme. La patience. Mais Ouais, ça, tu ouais. vois, c'est un truc que j'ai tendance à reprocher à ce genre de formation, c'est que on parle toujours tout de suite tout ce qui va être aspect financier, des compétences à avoir. On parle pas assez de ce qu'on veut vraiment, en fait, du côté plus humain. Il y a des gens Ouais, qui ouais, ouais. vont se lancer parce qu'ils vont se dire, tiens, ça peut être sympa, ça peut être cool, mais on leur dit pas derrière, ouais, mais tu vas changer ta vie, quoi. C'est un choix hyper important. Si t'es Ouais, pas prêt à te lancer, tu prends un gros risque et ça peut être, exactement. c'est là que ça peut être dangereux, quoi. Je trouve qu'on parle pas assez de ça. On devrait, Non, mais c'est vrai. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Même jusque j'en avais participé à des réunions comme ça, et honnêtement, enfin, on retrouve ce qu'ils nous ont montré. On avait des réunions 2 heures par semaine, on se retapait des PowerPoints sur des trucs qu'on pouvait trouver sur Internet. Il n'y a pas, je sais pas, c'est Ouais, trop. je comprends totalement, je comprends totalement. Même, ouais, quelques semaines, il y avait un truc qui s'appelait la Summer School dans la ville dans laquelle je suis. J'habite à Liège, en Belgique. Et, bah, ils retapaient des PowerPoints sur des trucs, enfin, des trucs qu'on peut trouver sur Internet, un business model, un business Ouais, plan, voilà, c'est ça. des trucs de ce genre-là. Le plan financier, c'est important. Et c'est vrai que, on se perd un petit peu dans tous ces trucs qu'on veut se lancer et on oublie un peu la passion, en fait, qui doit guider ça. Parce que, en fait, s'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas le pourquoi tu veux te lancer, ben, quand tu as une baisse de régime, tu t'en souviens pas. Et quand tu t'en souviens pas, ben, tu t'éparpilles, tu te dis, putain, j'avance pas, putain, je sais pas, etc. Et du coup, sans son pourquoi, sans le pourquoi on lance, on perd aussi l'âme un peu de notre projet. Et effectivement, on n'en parle pas souvent, peut-être un peu de plus en plus, mais très Ouais, on rarement. commence à en parler un peu plus et franchement, c'est super, tu vois, ce que tu fais par exemple sur Instagram, essayer de faire des posts sur la motivation, tout ça. Ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est génial, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Ça t'est venu comment, toi, de vouloir partager ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois plus comme de la communication? Enfin, de toute façon, c'est de la communication, mais c'est quelque chose que tu t'es senti obligé de faire pour ton business ou t'avais vraiment envie aussi d'en parler et de partager ce que tu faisais et tout ça? En fait, comment dire, j'ai toujours voulu me lancer dans tout ce qui est blogging et partager mes connaissances. Et surtout que j'ai appris pas mal en lisant des blogs, en regardant des vidéos YouTube, en achetant des livres, en achetant des e-books, en suivant des formations, ainsi de suite. Et ça, j'ai appris ça pendant 5 années de suite, tout le temps. Donc, du coup, j'ai vraiment rempli ma tête d'énormément de choses que les gens ne connaissent pas. Apparemment, il faut 5 ans pour maîtriser un sujet. Et je me suis dit, en fait, voilà, ça fait 5 piges que j'apprends tout ça et qu'il serait peut-être temps de repartager. J'ai un but précis qui a rien à voir avec mon agence web. Donc, ce que je fais sur Instagram, c'est vraiment personnel. Ce serait de devenir conférencier et de pouvoir partager avec de plus en plus de personnes. Même si j'avoue que là, je suis pas très actif parce que j'ai pas le temps. Donc, du coup. En janvier 2019, je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, je vais vraiment commencer à le faire. Et j'ai commencé à partager d'abord avec beaucoup de motivation et de plus en plus à rentrer vraiment dans, comme je disais au début, dans ce que je maîtrise le mieux, l'entrepreneuriat, le marketing digital, ainsi de suite. Et puis c'est pas mal parce que ça te fait rencontrer des personnes et puis Ouais. tu te fais aussi un peu connaître quand tu donnes aux gens et tu vas forcément avoir des trucs en retour. Comme tu dis, si tu es conférencier, bah c'est génial. De toute façon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on partage pas forcément assez. C'est que les gens, ça compte beaucoup et que faut limite penser à eux avant, leur donner tout ce qu'on peut pour espérer Ouais, pouvoir avoir quelque exactement. chose en retour parce que sinon ça peut pas aller. Ça, c'est des aspects que vraiment j'ai vraiment envie de De mettre en mettre avant. en avant tous les jours, ouais, voilà, de mettre en œuvre et tu vois, parler avec des gens comme toi, ça me fait plaisir parce que je récupère des témoignages comme ça me conforte dans mon truc. Et puis ça peut aussi aider les gens à savoir ce que c'est vraiment au jour le jour, comment ça se passe. Que c'est pas juste faire un business plan, faire un prêt à la banque pour ouvrir sa boîte Ouais. une fois qu'on a fait l'étude de marché. Il y a des gens derrière. Et ça, Ouais, il y a des gens il y derrière. a des gens derrière. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important qu'on n'appuie pas assez. Et j'irais même plus loin. Désolé de te couper. Non, non, vas-y, J'irais vas-y. même plus loin. C'est que une fois qu'on lance son entreprise, on a toujours envie d'avoir l'air pro. C'est pas ça, c'est une hantise. Genre, les gens, ils veulent avoir l'air pro. Ils veulent que les gens, ils trouvent qu'ils sont professionnels. Et c'est bien, en soi. Mais professionnel dans son travail, en fait. Ouais. Parce que, une fois qu'on est une entreprise, on perd le côté humain. Et c'est con, c'est bête. Parce que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, ben, on est une petite structure. Et ce qui nous différencie des autres, c'est notre personnalité, c'est notre histoire, et ainsi de suite. Et généralement, on va avec plein de discours commerciaux, plein de propositions de valeur, de ci, de ça, de bénéfices, de ce que la personne va gagner. Mais on oublie en fait de mettre en avant qui on est. Et c'est bête, mais le relationnel fait signer plus de contrats, par exemple, dans mon cas en tout cas, que ou bien fait acheter plus de produits, plus de services, que un discours professionnel qui a sans doute été déjà vu 1 milliard de fois par d'autres personnes qui ont fait le même travail. Mais de toute Et façon, ça, c'est important. ben les relations avec les gens, c'est pas que ça compte pas que dans le business, c'est la base de tout. Et Exactement. ça, je sais pas, c'est surtout en Europe, enfin en Belgique apparemment c'est pareil, mais en France aussi, on a un côté vraiment professionnel où t'as une boîte, tu dois avoir ton petit costard, ta petite valise, et puis tu répètes ton discours et. C'est, je sais pas, c'est quelque chose. Ça commence à changer. Ça Ouais, c'est commence à clair. changer et. Mais ouais, il serait peut-être temps, quoi. Parce que justement, Ouais, c'est clair. ça véhicule, je trouve, une mauvaise image, une fausse image et. Et ouais. Mais attends, faut faire attention parce que c'est pareil dans l'autre sens. Le fait de mettre en avant le côté humain, tout ça, de montrer que c'est pas que une histoire de finance, tout ça. C'est pareil, faut qu'on parle derrière aussi de tout ce qui est travail, la charge de travail qu'il y a derrière. Exactement, Faut pouvoir la exactement. supporter aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce Et. que, pour donner le petit exemple, moi, les gens qui travaillent pour moi, ben, ils viennent saper comme ils veulent. Ouais. Je ne veux pas leur prendre la tête parce qu'ils sont venus. Parce que, y en a un, il était en blond sur le bout de ses cheveux. Enfin bref, tout le monde vient comme il veut. Il n'y a pas de souci. Mais le seul truc sur lequel je dois insister, c'est le fait qu'il faut travailler, quoi. C'est tout. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a dans la tête et la motivation qu'on a qui paye, c'est pas le costard. Ah ben ça c'est sûr. Après, en réunion professionnelle avec certains entrepreneurs, on sait qu'il faut s'habiller d'une certaine manière. Enfin, même moi, tu vois que j'ai des locks. Mais sinon, en termes de travail de tous les jours, voilà, on vient comme on veut. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête, quoi. C'est ce qu'on fait, c'est les actions, c'est pas le style vestimentaire, le si, enfin bref, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je vais me permettre de te poser une question. Vas-y, C'est dans vas-y. quoi que tu veux toi? Moi, là, j'aimerais bien lancer une application mobile D'accord. dans le domaine du sport où, en fait, il y aurait des coachs qui pourraient proposer leur programme sur l'application. Et D'accord, ok. l'application te permettrait de suivre le programme de A à Z avec tout ce qui va en vidéo pour les mouvements, ton petit compteur, si tu as tant de séries à faire, tout ça. Voilà, tu vois, tu as juste à suivre le programme. Tu peux D'accord. aussi enregistrer tes propres programmes, les partager, avoir une sorte de une D'accord, petite je vois page, ça. un petit truc comme ça. Et le but derrière, c'est qu'en fait, l'application, ce soit la base de quelque chose de plus grand. Pouvoir derrière construire quelque chose, une communauté autour, avec des Ok. gens, je ne sais pas, organiser des événements, faire des défis. Des petites vidéos comme ça, monter vraiment quelque chose autour de ça, créer une communauté, et puis pourquoi pas aller encore plus loin après. Là, il y a tout ce qui est yoga, méditation, ça commence à monter. Pas monter pas mal. Il y a plein de possibilités après derrière, et j'ai envie de construire un truc à partir de ça en fait. Et voilà quoi, j'ai envie de me lancer Ok, là-dedans. c'est sympa dans le sens où le coaching sportif et tout ce qui est mouvement où il faut avoir le corps sain, etc., bien manger, etc., c'est quelque chose qui avance pas mal ces derniers temps. Et il y a de plus en plus de coachs sportifs. Et même moi, j'ai déjà eu des coachs sportifs, en tout cas un coach sportif en tant que client. Et il a dû développer sa propre application. Ouais. Et ce qui est sympa là-dedans, c'est que une application peut regrouper le programme d'un coach sportif. Donc, c'est-à-dire qu'il peut dire à ses clients, allez sur cette application, tapez mon nom, vous allez avoir mon programme. Ouais. Et après, bon, après, il peut avoir un système de paiement, etc., d'abonnement. Et et tu prends un pourcentage dessus. C'est ça. C'est quelque chose qui est assez sympa et je pense que franchement, vu le nombre de coachs sportifs, même sur Instagram, ça pourrait être sympa. Et puis tu vois, derrière, c'est pareil, le milieu du sport, c'est un milieu où il y a beaucoup de valeurs aussi, de motivation. Donc c'est pareil, on peut toujours apporter quelque chose, apporter autre chose que juste un programme, apporter du contenu qui va pouvoir coacher les personnes, mais sur leur état d'esprit, tout ça et tout ce qu'il y a de tout ce qu'on peut apporter derrière, c'est ça qui me. Et là, j'ai la tête qui est en ébullition. Je Et comprends. ouais, j'attends que ça de pouvoir me lancer et puis de partager tout ça, quoi. T'as des Partager. connaissances en développement ou bien... En développement web, je bosse en ce moment, je suis développeur en web et appli mobile. Ok, d'accord, sympa. Et là, du coup, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir. Là, j'essaie de me faire des revenus à côté pour pouvoir bosser à fond sur mes trucs, quoi. En fait, j'avais pas vraiment de questions à la base, tu vois, je voulais juste échanger comme ça et voir comment ça allait se passer et ça fait plaisir. Ça me fait. Non, mais c'est super de voir qu'il y a des gens qui sont volontaires pour partager leur expérience et puis Je pense que c'est cool, je pense que c'est une bonne idée. Je voulais le faire aussi à partir de mon Instagram, faire des lives justement avec d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et surtout que ça me prendra moins de temps que de créer des posts. Ouais. Et ça apporte plus de valeur, tu vois. Parce que c'est cool, les posts, etc., les citations, etc. Mais j'aime bien... Enfin, en tout cas, moi, je suis une personne... J'ai une idée, il faut que je la mette en place le plus vite possible pour voir si elle fonctionne ou pas. Si elle fonctionne pas, ok, on la jette. Mais si elle fonctionne, c'est cool, tu vois. Et pour moi, les citations Instagram, c'est sympa. Mais avoir des gens qui parlent vraiment, qui échangent vraiment sur leur expérience, etc., c'est vraiment un plus dans le sens où on comprend en fait ce qu'il y a derrière cette citation. Pourquoi cette personne met ce truc-là? Pourquoi est-ce que ça l'a touché, entre guillemets, tu vois, c'est pas juste une T'as citation le en mode. contexte derrière. Ouais, voilà, exactement. Et le cerveau humain enregistre beaucoup plus les storytelling que des simples phrases comme ça, tu vois. Donc voilà, ça permet de faire des liens. C'est ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement d'histoires différentes aussi. Et c'est Clairement. vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire, apporter. L'entrepreneuriat, voilà, c'est ça, l'entrepreneuriat. Voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. Et du coup, voilà ce qu'il faut faire pour y arriver, quoi. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que j'ai un peu. C'est toujours pareil, hein. C'est contre tout ce qui est les formations pour devenir entrepreneur, où tu vas payer 30 balles pour tes 2 heures et on va te montrer un PowerPoint avec. Il faut que tu fasses une étude de marché, tout ça. Il y en a, c'est. Voilà. je vois le délire, je vois le délire. Bah écoute, je vais te laisser retourner à tes occupations d'entrepreneur. Juste aller au cinéma après en fait, si tu veux Ah, savoir. d'accord, ok. Mais cool, Tu vas cool. voir quel film? Spider-Man. Ah, je l'ai pas encore vu. Ouais, ça fait un mois qu'on harcèle pour que j'aille le voir, donc il faut vraiment que j'y aille là. Ouais, il va falloir C'est que ça j'y le aille problème quand aussi. t'es entrepreneur aussi, c'est que tu dois tout le temps reporter tes rendez-vous avec tes potes, c'est chiant. Mais bon, voilà. Voilà, ok, c'était le mot de la fin, je crois. Ouais. Spider-Man. Bah écoute, je te laisse, Donc. je te souhaite une bonne séance. Merci beaucoup. Puis une bonne continuation et peut-être à une prochaine fois, on sera peut-être amené à se reparler, hein. On sait jamais. Non, il n'y a pas de problème. Et si tu veux parler, de toute façon, tu m'envoies un message et on discute et tranquille, il n'y a pas de problème. Ok, c'est En tout sympa. cas, c'était sympa. Bon, en tout cas, bonne continuation, bon Merci. concept et j'attends tes news pour tout ça là. Aucun souci. D'accord. Allez, à plus, hein. Bonne À soirée. plus, toi aussi. Ouais. Alors, c'était notre premier témoignage. Franchement, je suis ultra satisfait et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de pouvoir faire avec vous. C'est de pouvoir échanger des tranches de vie avec ce que c'est réellement l'entrepreneuriat au jour le jour. Et voilà, ça me fait tellement du bien de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est dedans réellement, quoi. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ce petit témoignage et je vous dis à très bientôt.